Le bâti tourne et tu te noies. Tu bois la masse que tu ne vois pas. Tes sales sens s'enlacent. Et toi, vulgaire ectoplasme, t'angoisses. T'as l'air d'une amérante en labyrinthe. Tu tâtes le vide et palpes la mélasse. Avec insistance, la garce, elle te trace. Elle t'embrasse. Elle te crasse. Quand la tension te dépaisse et atteint tes entrailles, que l'étau te désosse et torpille ta tripaille, tout étouffe, te tend, te tenaille. Le temps devient trou moite et tout te trempe. Tout tourne, te tord et te retourne. Tu vomis le bâti qui t'entoure. Tu le prends, tu l'éructes et tu te pends. Autour de toi, tout s'arrête un court instant. Le poids de ta tête te détend. Quand la tension te dépaisse et atteint tes entrailles, t'angoisses. Tout tourne, elle t'embrasse, te tord et te elle retourne, te crasse, tout étouffe, te tend, te tenaille, te tord et te retourne, tout étouffe, tout tourne, te tend, te tord et te retourne, te tenaille, t'embrasse, tout étouffe, elle te crasse, tu le prends, te tenaille, tu l'éructes et tu te pends, tu l'éructes et tu le prends, tu l'éructes et tu te pends, tu te pends.